Mosaïque. Bonjour, bonsoir, chères auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, vous qui suivez l'émission Mosaïque. Le 16 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée a été instaurée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union africaine depuis le 16 juin 1991 en mémoire des centaines d'enfants sud-africains massacrés à Soweto le 16 juin 1976 par le pouvoir de l'apartheid pendant une marche-manifestation en train d'exiger une bonne qualité de l'enseignement et le droit d'être enseigné en langue maternelle. Le thème retenu cette année pour célébrer cette journée est stipulé comme suit. Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Ce thème qui interpelle chaque pays à prendre conscience pour y investir afin d'assurer une éducation adaptée aux enfants et obligatoire pour tous les enfants en Afrique. Mosaïque. Dans Mosaïque d'aujourd'hui, au regard de ce thème, il y a lieu de se poser des questions suivantes. Comment se portent aujourd'hui les droits de l'enfant au Burundi dans différents secteurs de la vie du pays? Quelles sont les avancées? Quels sont les défis rencontrés? Quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qui peut être fait par différents intervenants et acteurs engagés dans la défense et la promotion des droits de l'enfant pour le bien-être de l'enfant burundais? Voilà les principales questions qui vont nous guider dans ce débat. Et pour échanger à ce sujet, nous avons autour de ce plateau quatre invités. David Ninganza de la CGPAI, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Ah, bonjour. Alexis Banouza, professeur d'université, expert et chercheur, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour et merci pour l'invitation. Professeur Paul Hakizimana, directeur général de l'éducation au ministère de l'éducation nationale, bonjour vous aussi et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Et je vous salue à mon tour et je salue les collègues et toutes les auditrices et tous les auditeurs. Gérard Rougeminoisa, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle, bonjour et bienvenue dans l'émission Mosaïque. Bonjour monsieur l'animateur, bonjour madame, mesdames, messieurs les auditeurs. Ce sont là les invités à ce débat, produit par la radio Isanganiro en partenariat avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle. La mise en onde est assurée par Albert Ndouayo, la réalisation est assurée par Médard Nyonguru. À la présentation de cette émission, Léonidas Kirombo, encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Mosaïque. Sans tarder, entrons dans le vif du sujet. Gérard Lugeminoisa, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Comment se présente aujourd'hui la situation des droits de l'enfant de façon générale au Burundi? Merci de me donner la parole. Et aujourd'hui, nous allons célébrer la journée de l'enfant africain, le 16 juin 2025, alors qu'au pays, la situation de protection des enfants et de façon moyenne satisfaisante. C'est-à-dire que le Burundi est en état parti à la Convention pour les droits de l'enfant. Il est parmi les pionniers, les premiers pays signataires de la Convention des droits de l'enfant. Et secondo, le Burundi a matérialisé cette adhésion à la Convention par l'insertion des dispositions de la Convention dans la Constitution de la République et du Burundi. Et partant de ce texte mère, le Burundi a élaboré par la suite le Code des personnes et de la famille qui met en exergue les dispositions qui protègent l'enfant burundais et tous les enfants établis régulièrement sur le sol burundais. Et nous cheminons vers la mise en place du, si ce n'est pas déjà fait, le code de l'enfant, tout court. Et partant de ce constat juridique, il existe beaucoup d'institutions et beaucoup de partenaires qui collaborent et travaillent d'arrache-pied dans la mise en œuvre des droits de l'enfant, partant des droits fondamentaux, le droit de la vie, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au logis, le droit à la nourriture, etc. etc. Mais malgré ce constat positif, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme déplore qu'il existe toujours, par rapport au droit à l'éducation, les abandons scolaires, élevé parce que il y a beaucoup d'enfants pour une raison ou une autre abandonnent l'école et c'est dommage et la CNDH ne peut pas être contente de cet aspect. Il y a des gros c'est ce non désiré pour les enfants, ce qui n'est pas du goût de la CNDH et conseille aux personnes, aux autorités habilitées de s'y mettre pour éradiquer ce fléau. Il y a aussi les cas de maltraitance à l'école, les châtiments scolaires, les châtiments corporels sur les enfants, sur le terrain de l'école, le travail forcé ou le travail tout court pour les enfants qui ne sont pas en âge mature. Il y a l'exploitation économique pour les enfants qui se font engager ou qui sont trompés pour être engagés et travailler à vil salaire, de petits salaires modiques pour... Et les mariages précoces dans certains ménages que la CNDH observe, même si on ne donne pas les statistiques, les chiffres précis, mais ce sont des phénomènes observables. Le phénomène des enfants de la rue, les enfants mendiants et les enfants en conflit avec la loi, on ne peut pas ne pas observer et noter et déplorer cet aspect. Ensuite, le manque d'accès équitable à une éducation de qualité. Vous savez qu'ici, on dit le droit à l'éducation, ce qui est différent de l'accès à l'éducation. Mm-hmm. Peut-être les autres intervenants vont intervenir. Vous savez que aussi la scolarisation des filles a suivi la scolarisation des garçons. Vous savez que dans l'OTAN, on a commencé à scolariser les garçons avec l'avènement de l'école, de la classe. On a commencé par les garçons, ensuite les filles. Mais aujourd'hui, on peut quand même estimer positivement que les chiffres par rapport aux enfants scolarisés, filles et les enfants garçons, c'est plus ou moins équilibré. Et puis, il y a les difficultés des enfants qui élèvent ou qui vivent avec des handicaps ou atteints d'albinisme qui sont des fois stigmatisés de telle manière que leur insertion en milieu scolaire devient problématique. Et il y a aussi donc cet aspect lié à la discrimination et aux préjugés donc qu'il faudra aussi éradiquer. Donc la journée de l'enfant africain arrive dans cet état de choses et nous recommandons, nous invitons les organes étatiques à mettre encore plus de budget, de force, pour beaucoup d'efforts pour améliorer chacun de sous-secteurs qu'on a déjà relevé. Tantôt, vous disiez que la situation des droits de l'enfant est plus ou moins satisfaisante. Est-ce qu'au niveau de la commission, vous vous rendez compte de cette évolution, de cette avancée? Dans l'ensemble, il y a une amélioration. Mm-hmm. Mais il subsiste toujours des cas particuliers. Parce que tout cela est proportionnel à la vie des ménages. Comment vivent les parents? Mm-hmm. Ça a une incidence directe sur la vie des enfants, ici du ménage. Mm-hmm. Si un ménage comporte plusieurs enfants, une progéniture plus ou moins nombreuse, mm-hmm. et il y a des difficultés à assurer l'éducation, la santé, la nourriture, les vêtements. Donc nous avons beaucoup de défis liés à cet aspect financier, économique. Le jeu pour l'enfant qui n'a pas mangé à midi. Et dire à l'enfant d'aller jouer ou d'aller se promener quand il sait qu'il ne veut pas manger, mm-hmm. c'est compliqué. Donc, nous pensons que ce sont des gros moyens que l'État doit investir, doit mettre dans ce secteur enfant, parce qu'il s'agit du Burundi de demain. Oui, il y a beaucoup de mesures qui sont encourageantes. Mm-hmm. Il y a le programme Bariki Bosebiyige, Twige Twesa, Bana, pour que tous les enfants soient scolarisés, inscrits sur un ressort raisonnable, ouais. pas aller au-delà de 3 km. Mm-hmm. C'est une mesure de l'État. Et ça, c'est possible, c'est faisable. C'est faisable, mm-hmm. c'est faisable. Okay. Seulement, il faut des campagnes conjuguées pour tous les acteurs. David Ninganza de la SOGEPAE, c'est la même question pratiquement. Comment se présentent les droits de l'enfant aujourd'hui et vous qui suivez ça au quotidien? Merci. Je peux prendre 3 points, peut-être, qui peuvent piloter d'autres droits. Je vais parler droit à la santé, parce que quand je parle qu'il a un droit à la vie, je commence par la santé, droit à l'éducation et aussi droit à l'identité. Quand je parle droit à l'éducation, je pense qu'il y a une inégalité sociale. Il y a une inégalité sociale parce qu'il y a des enfants à besoins spécifiques qui n'ont pas accès à l'éducation. Les enfants qui ont qui viennent des familles démunies, qui n'accèdent pas facilement à l'éducation. Donc, à ce moment, quand l'enfant n'a pas accès à l'éducation, c'est-à-dire que les chances de progresser, les chances de préparer son avenir sont sensiblement limitées. Je vais parler aussi du droit à la santé. Droit à la santé. Est-ce que ces enfants dont on parle, ils ont accès à la santé? Quand on... Bon, c'est vrai que le gouvernement, vraiment, avait mis une politique de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans. Et les enfants de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Même ceux qui ont de moins de 5 ans, il y a une égalité sociale, quelquefois par des mesures. Parce que dans certains hôpitaux, on demande extrait de mariage pour soigner une femme enceinte. Alors, il y a des enfants violés qui sont victimes de grossesse non désirée. Quand vous allez demander extrait de naissance à une fille violée, à un enfant qui n'a pas droit tout d'abord de se marier, ça c'est une violation flagrante institutionnelle. Alors, ça, je l'ai parlé avec certains directeurs des hôpitaux, parce que la gratuité des soins ne montre pas les limites. Premièrement, l'enfant est victime. Le bébé aussi, le fœtus, qui a besoin d'être suivi par le médecin, n'a pas eu ses droits. Je veux retourner un peu sur l'éducation. Tout d'abord, l'école est gratuite, mais n'est pas obligatoire. Quand l'école n'est pas obligatoire, on déscolarise les enfants comme on veut. Il y a les parents qui disent qu'ils n'ont pas de moyens, qui déscolarisent leurs enfants. Il y a même des enfants qui sont déscolarisés institutionnellement. Parce que, je vous donne un exemple typique, le ministère de la Justice souligne bel et bien qu'un enfant de moins de 15 ans ne peut pas avoir une responsabilité pénale. Mais au ministère de l'Éducation, l'enfant de 15 ans peut-être renvoyé définitivement, plutôt de 14 ans ou 13 ans, peut-être renvoyé définitivement parce qu'il a giflé son collègue, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait ceci et cela. Non, ça, c'est correct. Non, ce n'est pas correct. La sanction disciplinaire, quand l'enfant a commis une faute disciplinaire, il y a une note de moins de points quelque part. Mais pour renvoi définitif, C'est une infraction des dents. L'enfant a dépassé les limites jusqu'à commettre une infraction. Alors, quand le ministère, quand le gouvernement dit que cet enfant n'a pas de responsabilité pénale, le ministère de l'Éducation aussi ne devait prendre une sanction comme quelqu'un qui a commis une infraction parce qu'il ne veut pas avoir cette responsabilité. Ça, c'était un exemple typique. Cela, pourquoi tout d'abord, je veux retourner sur le manque de collégialité, de complémentarité des ministères sectoriels. Les ministères sectoriels de l'éducation, si je veux parler, la justice, la solidarité, la santé, c'est à peu près 6. Donc, en principe, on ne devrait pas avoir ce genre de discordance au niveau des lois. Non, parce que avant de mettre peut-être une loi, une ordonnance de mise en application, et ainsi de suite, les ministères devraient se consulter. Malheureusement, aujourd'hui, les ministères... laisse le ministère de l'Éducation travailler seul parce qu'il n'y a pas de coordination pour qui fait quoi. Et aussi pour aider, même celui qui peut tenter de donner une contribution, il peut souhaiter à un problème parce que vous allez faire ceci, mais la durabilité, le suivi sera difficile parce qu'il y a un manque de mécanisme de suivi ou de coordination. On va y arriver, mais tantôt, vous parlez des inégalités sociales au niveau des lois. En principe, ces lois devraient s'appliquer pour tout le monde, donc les nantis et les moins nantis. Merci beaucoup. Celui de le CNDH, il a parlé, par exemple, des personnes de la famille. Aujourd'hui, nous avons des enfants issus de mères célibataires. À peu près plus de 1500 élèves, maîtres au monde, parlons. Imaginez-vous alors dans le monde rural, C'est plus que ça. Pour dire que nous pouvons avoir 3000, malheureusement, il n'y a pas d'études faites. Heureusement, vous avez invité quelqu'un, un expert au niveau de la recherche. Alors, ce qui fait que nous avons un grand nombre d'enfants qui ont des difficultés, de sérieuses difficultés pour être enregistrés. Aussi, la recherche de la paternité s'impose. S'impose parce qu'on ne doit pas enregistrer l'enfant à père inconnu jusqu'à indéterminé, alors que le père, c'est qu'il est là. C'est-à-dire que la loi n'a pas protégé l'enfant parce qu'il fallait donner des outils au juge qui va étudier si la recherche de la paternité. Il fallait donner des capacités au juge. Ici, je veux parler, par exemple, de test ADN. Parce qu'au Burundi, jusqu'à aujourd'hui, on demande qui a vu que votre témoin... comme c'est une vache ou une chèvre. Non, oui. Ça, on ne peut pas le faire. C'est une chose qui se fait entre 4 et 1000. Donc, pour dire que, quelque part, la loi est lacunaire. Quand la loi est lacunaire, vous comprenez que l'accès est difficile à ce moment. Ça, c'est une inégalité sociale. Mosaïque. Et nous passons au ministère de l'Éducation avec le directeur général de l'Éducation, professeur Paul Hakizimana. Dans votre secteur, effectivement, de l'éducation, comment se porte la situation des droits de l'enfant de façon générale? Est-ce que vous êtes vraiment satisfait? Quelle est votre appréciation? Merci beaucoup pour la question. Et au niveau du secteur de l'éducation, nous suivons de très près la situation des droits de l'enfant, à commencer par les petits-enfants en âge de préscolarisation. Et nous essayons de prendre toutes les mesures et de mettre en œuvre les actions qui favorisent l'accès de tous les enfants à l'éducation. Et en témoigne la politique de généralisation de l'éducation préscolaire qui va permettre à tous les enfants de se préparer à affronter l'école fondamentale. Nous essayons aussi d'organiser autant que faire se peut les cantines scolaires, donc une façon d'alimenter, de nourrir les enfants à l'école pour les aider à étudier dans de bonnes conditions, à ne pas parcourir de longues distances pour aller chercher de quoi manger. Et c'est la politique des cantines scolaires, mais qui n'est pas encore généralisée au niveau de tout le pays. Et aussi, nous prenons des mesures, le gouvernement a déjà pris des mesures de gratuité de la scolarité au niveau de l'école fondamentale. Et aussi, nous suivons la politique ou une vision de construire au moins une école fondamentale au niveau de chaque colline de recensement du Burundi pour justement diminuer les distances à parcourir et favoriser l'accès de tous les enfants à l'éducation. Mais aussi, nous prenons en compte les catégories spéciales de certains enfants, par exemple les enfants vivant avec handicap, pour favoriser une éducation inclusive en instaurant des conditions d'apprentissage qui tiennent compte de les réformes de handicap. Et aussi, les groupes vulnérables comme la catégorie des batois, nous essayons aussi d'encourager leur éducation en prenant des mesures, par exemple, de leur permettre d'étudier en étant à l'internat des écoles et de manière gratuite, puisque c'est le ministère qui soutient toujours ces efforts. Et donc, tout ça, c'est pour justement favoriser l'accès de tous les enfants à l'éducation, mais aussi créer des conditions de façon que ces enfants restent à l'école pour pouvoir achever leur parcours scolaire et se préparer à la vie professionnelle. Comme disaient les précédents intervenants, il y a beaucoup des enfants qui abandonnent l'école aujourd'hui. Est-ce que vraiment vous êtes au courant de ça? Et qu'est-ce que vous faites justement pour atténuer l'afflux de ces gens qui quittent l'école? Oui, ce phénomène est effectivement observé, ce que nous appelons les enfants en dehors de l'école, et aussi les abandons scolaires sont, disons, causés par plusieurs, disons, plusieurs conditions, notamment les conditions socio-économiques, les cas de grossesse des élèves et d'autres violences. Et le ministère a déjà instauré des réglementations qui vise à protéger les enfants étant à l'école, mais aussi il y a des réglementations qui permettent de réintégrer les enfants qui ont abandonné l'école. À un moment donné, ils sont appelés à réintégrer l'enseignement. Et nous le faisons chaque année, en début de l'année scolaire. Et aussi, la réglementation par rapport à la vie scolaire, où nous interdisons des punitions qui puissent faire peur aux enfants, notamment les punitions corporelles, c'est interdit. Mais aussi... Mais on a toujours entendu parler de ça dans les différentes écoles. Oui. Est-ce que... Oui. Quelle est la raison? Est-ce que les autorités de l'école ne sont pas au courant de ces lois qui interdisent les punitions de ce genre? Oui, la réglementation est connue de tout le monde, mais il y a des cas effectivement très rares qui surviennent. Et souvent, c'est dû au manque de retenue d'un encadreur qui est fâché et qui finalement, par exemple, gifle un enfant, etc. Mais quand ces cas sont rapportés, le ministère intervient pour quand même continuer à sensibiliser tout le monde pour éviter ce genre d'agissement. Mosaïque. Donc, c'est interdit, il faut le savoir, je le répète, les punitions corporelles sont interdites. Et donc, de façon générale, vous êtes plus ou moins satisfait ou satisfait totalement de la situation des droits de l'enfant au niveau de l'éducation, au niveau du ministère? Oui, le ministère est satisfait par rapport aux résultats déjà atteints et par rapport aussi au point de départ où, effectivement, il y avait des cas très nombreux à déplorer. Mais maintenant, au vu de tous les efforts consentis, au vu de tous les moyens consentis et au vu de la situation, nous voyons qu'il y a quand même des progressions, et même s'il y a encore des cas. Des défis à surmonter. Oui, c'est ça. Mais chemin faisant, nous allons toujours conjuguer nos efforts avec tous les partenaires pour effectivement arriver à une situation optimale pour favoriser les apprentissages. Alexis Banouza, professeur, expert, chercheur, à votre niveau, quel est votre appréciation, votre regard, votre commentaire sur les droits de l'enfant aujourd'hui? Que disent les recherches? Effectivement, nous allons répondre à la question par rapport aux résultats de recherche. Je commencerai à souligner d'abord l'importance de la recherche. Parce que le constat, c'est que c'est vraiment la recherche en éducation surtout est très récente. Avant, ça n'existait pas. La recherche permet de produire des évidences scientifiques qui aideraient les décideurs au niveau de l'État à prendre de bonnes décisions, mais aussi aux acteurs qui sont sur terrain d'agir en fonction de ces résultats. Notamment, notre centre de recherche date de 2010. J'ai vu que c'est l'année de référence pour le thème de cette année. Nous avons pas mal de doctorats. Nous avons des recherches qui ont été menées en rapport avec la qualité de l'éducation. En rapport avec l'abandon scolaire, là, il y a une recherche qui a été menée par l'Université du Burundi en collaboration avec Wood Vision au niveau du Burundi. Et nous avons mené aussi une recherche sur l'état de la recherche sur la paix et la réconciliation. Les résultats que nous avons obtenus montrent de façon générale que le système éducatif burundais est plus théorique que pratique. Ou probablement. Et là aussi, on dit que le système éducatif burundais a oublié les valeurs, l'éducation aux valeurs. On a mis de l'importance sur les connaissances. Et là, nous sommes partis même du constat. Les chercheurs, les grands scientifiques, les grands hommes politiques affirment que l'éducation de qualité, c'est la clé pour amener un pays au développement. Et nous voyons que chaque année, on produit des diplômés. Donc, au niveau mathématique, on dit que le nombre de diplômés augmente. Mais curieusement, au niveau de la pauvreté, au lieu que ça diminue, ça augmente aussi. Ça, c'est paradoxal. On produit de l'oreilla, mais ils vont où? Oui, oui. Donc là, la majorité va au chômage. Et quel est l'impact? Donc là, c'est la base de ça qui nous a conduit à faire des investigations. Et nous avons vu que notre système éducatif a pas moins de difficultés. À commencer par les programmes. Comment les programmes? Au niveau des finalités, quel type d'homme on veut former? Quel type d'homme, quel type de Burundais on veut avoir pour qu'il puisse réellement contribuer au développement? Et lorsqu'il y a le développement du pays, les enfants sont dedans et ils auront les droits à l'éducation, à la nutrition, à la santé. Là, ça marcherait. Au niveau des enseignants, la formation des enseignants. Actuellement, au Burundi, la majorité de personnes ne veut pas être des enseignants. Alors que chaque parent veut que son enfant soit bien enseigné. Alors que c'est un métier noble. Un métier noble qui est à la base de tout. Vous tous, vous êtes là parce que vous avez été éduqué. Oui, oui, même les ministres, même les présidents, même tout ce qu'on veut être. On veut être médecin, on veut tout. S'il n'y a pas d'enseignant, les autres, il n'y a pas. Donc là, et on dit, on souligne aussi que si on veut tuer un pays, on tire le système éducatif. Et au niveau matériel didactique, ça cause problème. La majorité des écoles n'ont pas de laboratoire, n'ont pas de bibliothèque, n'ont pas de manuels qui sont adaptés. Et au niveau méthodologie aussi, il y a un spécialiste qui dit, j'entends et j'oublie, je vois et je m'en souviens, je fais et je comprends. On devait chercher à ce que nos enfants puissent réellement manipuler, voir, pour qu'ils puissent comprendre. Une fois qu'ils auront compris, c'est là où ils vont appliquer ce qu'ils auront appris au niveau de la bande scolaire. Nous avons, c'est vraiment une triste réalité. On l'a déjà souligné, les autres l'ont déjà dit. Et là, parmi la cause, il y a la pauvreté dans les ménages. Parmi la cause, il y a aussi l'environnement d'enseignement-apprentissage, qui n'est pas les effectifs qui sont pléthoriques. Il y a manque d'enseignants quelquefois qui sont qualifiés. Il y a même des disciplines qui n'ont pas d'enseignants qui sont qualifiés actuellement. Le rôle revient à qui pour justement redresser les choses? Pour redresser les choses, en premier lieu, c'est ceux qui prennent les décisions, mais il y a aussi ceux qui aident le gouvernement. Il y a la société civile, il y a les parents. Là, au niveau éducation, pour arriver à la qualité, il faut une synergie. Mais ce qui va avant, c'est le gouvernement, c'est l'État, parce que c'est là où on prend des décisions, mais il est aidé. L'autre résultat, quand même, là, ça reste deux, c'est la qualité qui baisse d'année en année. La qualité de l'éducation. Là, on voit que j'ai été recruté à l'université en 2004, l'examen que je donnais à ce moment, si je le donne maintenant, les étudiants risquent d'échouer. La différence est visée. Donc là, on voit, même au niveau rang d'enseignement, on ne parvient pas à s'exprimer correctement. Le dernier résultat, c'est que la recherche en éducation aussi n'est pas soutenue. Je suis content que maintenant vous avez invité les chercheurs. Là, ça commence. Et au niveau du ministère, il y a une direction générale et en charge de la recherche. Au niveau des universités, il y a des directions qui s'occupent de la recherche. Là, on dirait que les choses commencent. Merci beaucoup, Gérard Rugeminoaza. Quels sont les défis pour que l'enfant burundais puisse connaître un bien-être plus ou moins acceptable? Les principales préoccupations, je l'ai déjà cité, c'est le taux d'abandon scolaire qui continue à être observé. Ce sont les grossesses non désirées, ce sont les cas de maltraitance, les châtiments corporels, le travail des enfants. Et vous savez qu'aujourd'hui, ici à Bujumbura, il y a des enfants qui partent à l'étranger. Il faut bien surveiller ce phénomène-là, parce que derrière, ils peuvent se cacher des personnes de mauvaise foi à travers les contrats qui sont souscrits entre le chercheur de travailleurs moins cher sur le sol burundais et l'autre qui a besoin du travail rémunéré parce que lui ne connaît pas le terrain. Il y a l'exploitation donc économique des mariages précoces des enfants par les parents à la campagne. Et concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que justement la commission est en train de faire pour la commission ne peut que faire un plaidoyer. D'abord, comme je suis juriste, moi, je plaide pour la réforme de la loi, la réforme du code des personnes et de la famille. Parce qu'il date de 1993, et de cela, ça fait combien d'années? Ça fait 32 ans, et Dans 32 ans, l'enfant qui est né, il a déjà 32 ans. Mm-hmm. Donc il est déjà marié, il est adulte, majeur. Et pendant ce temps, il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements dans les mœurs, dans les mentalités, dans la façon de vivre, dans le pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, si on va jusque sur ce point-là, mm-hmm. il y a un chapitre des dispositions qui traitent de l'enregistrement des actes d'état civil, mm-hmm. qui posent problème. Et c'est ce point-là qui ouvre, mm-hmm. couvre à tous les droits. Droits civils, politiques, même nous venons des élections. L'enfant qui vote, parce que la majorité électorale, c'est combien ? C'est mm-hmm. 16 ans. Et il est encore mineur, il n'a mm-hmm. pas 18 ans. Parce que chez la fille, la loi burundaise dit, la fille va se marier à 18 ans, mm-hmm. le garçon à 21 ans. Donc la majorité n'est pas la même. Pour le commerce, l'enfant, on va lui dire, mais écoute, tu ne vas pas faire le commerce avant 21 ans. Mm-hmm. Ça, c'est la majorité commerciale. Alors, quels sont les actes que l'enfant peut passer qui sont valables au regard de la loi? Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut, c'est encore une fois de revisiter la convention, laquelle au Burundi s'en est déjà approprié, mm-hmm. et voir les dispositions favorables aux enfants burundais, pas seulement aux enfants burundais, mais à tous les enfants qui sont établis régulièrement. Alors, je vais continuer peut-être un peu et embrayer. Mm-hmm. Parce qu'au Burundi, le représentant de la SOGEPAI l'a déjà dit, oui. le droit à l'éducation, c'est différent de l'accès à l'éducation. Oui. Dans les autres systèmes, l'accès à l'éducation, ça signifie que c'est obligatoire. Mm-hmm. Et je ne pense pas que le Burundi s'est engagé à rendre obligatoire l'éducation, sinon aucun enfant ne serait dans la rue, si c'était obligatoire. C'est-à-dire que c'est le gouvernement burundais qui devrait prendre et mettre dans les différentes écoles. Donc, il faut qu'aujourd'hui, le décideur politique mette en avant les valeurs. Qu'est-ce qu'on recherche? Quel est l'enfant burundais qu'on cherche? Et quelle est l'image que l'enfant burundais doit avoir au regard des autres enfants africains? Vous avez beaucoup parlé des lois, notamment le code des personnes de la famille ou autre. Oui. Et donc la commission est prête aujourd'hui à défendre que ce genre de loi puisse évoluer, changer. Bien sûr que oui, ça fera la beauté, ça sera la fierté nationale, puisque ce sont le Burundi Bwejo, ce sont les enfants de demain qu'on est en train de préparer pour les protéger dans tous leurs droits. Voilà, merci beaucoup. Et au niveau de la CGPAE, David Nganza, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant qu'une association de défense des droits de l'enfant? Et qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Pardon. Et l'engagement aussi, ce que vous avez fait. Je comprends ceci. Un enfant dit à son père, papa, les trois premiers de la classe ne sont pas capables de mener un débat pendant la récréation, quand nous sommes en train d'échanger. Pourtant, ils sont appréciés par notre madame qu'ils soient intelligents. Voilà le constat de l'enfant. Aujourd'hui, quel est le produit de l'enfant que nous voulons à la sortie de l'école? Quel profil de l'enfant que nous voulons? C'est ça. Là, nous allons trouver une solution parce que quand nous allons définir le profil de l'enfant que nous voulons, on va y mettre le paquet nécessaire qu'il faut. Qui va mettre ce paquet? Voilà. Qui va mettre son paquet? C'est l'État burundais. Quand je parle de l'État, c'est l'ensemble de nous tous. C'est le ministère de l'Éducation, c'est les partenaires de développement, c'est la société civile. Alors, je vais parler Mais j'ai été quand même direct au niveau de la SOGEPAE. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Au niveau de la SOGEPAE, nous sommes en train de plaider tout d'abord. Plaider pour que le mécanisme de protection de l'enfant soit fonctionnel, soit aussi renforcé. Au départ, j'ai dit combien j'étais choqué quand les ministères sectoriels n'ont pas de cadre de collaboration. Quand je parle de cadre de collaboration, c'est au moins un organe de coordination. Nous sommes en train de plaider. J'ai parlé, il y a aujourd'hui en think tank. Pour vous aussi, il faut que les lois changent, notamment le code des personnes de la famille et autre chose. Il faut que les lois changent. Le code de la famille, notre ami de CNDH, il a parlé sur la recherche de la paternité. Je veux parler aussi sur le divorce. On dit que toute décision judiciaire doit mettre en avant l'intérêt supérieur de l'enfant. Mmh. Au niveau de divorce, ce sont les époux qu'on appelle. Il n'y a pas quelqu'un qui parle sur les intérêts des enfants. Alors, quand on va parler de la dislocation du ménage, il y a l'affectation des biens. Mmh. Il y a ce qui sera géré par les parents, soit par la maman, soit par le parent. C'est la raison pour laquelle nous, nous plaidons pour qu'il y ait au moins celui qui défend les intérêts des enfants. Ouais. Ouais. Au moins, parce que même au niveau du code pénal, quand même, nous sommes avancés, on ne peut pas parler sur le sujet de l'enfant sans qu'il y ait sa défense. Alors, la SOGEPAE, nous sommes en train de plaider. La SOGEPAE aussi fait partie de l'IDR, d'un groupe de pression de 38 organisations nationales et internationales qui sont considérées comme un groupe de réflexion dans le sens de plaider pour qu'il y ait une politique de changement. Vous allez continuer à plaider. Nous allons continuer à plaider. Mmh. Ça, c'est aussi, nous allons continuer à travailler avec le ministère de l'Éducation et d'autres ministères dans le sens de contribuer parce qu'il y a des projets financés par nos partenaires, bien sûr, qui sont dans les domaines variés à rapport avec la protection des enfants. Au niveau du ministère de l'Éducation, avec le professeur Paul Hakizimana, est-ce qu'au niveau du ministère, qu'est-ce que vous êtes en train de faire justement pour que un enfant ait accès à l'éducation dans l'équité, dans la, au même titre que les autres? Oui, merci. Effectivement, le secteur de l'éducation connaît aussi des défis. Même s'il y a des avancées, il y a des défis à relever. Mmh. Et c'est notamment l'insuffisance du nombre d'enseignants au niveau des écoles. Et cela peut occasionner des classes pléthoriques, etc. Et ici, le ministère, appuyé par le gouvernement, continue de recruter de nouveaux enseignants. Et ce recrutement se fait au niveau de la commune pour les ressortissants de la commune ou les résidents de la commune pour que les enseignants soient rapprochés de leurs écoles et de prestations. Nous continuons à réglementer l'enseignement et l'éducation de la même manière, que ce soit pour les écoles privées, que ce soit pour les écoles publiques. Mais aussi, nous nous attelons à l'adéquation de la formation à l'emploi pour que les enfants qui terminent le parcours scolaire ne soient pas voués au chômage. Il faut qu'ils puissent s'insérer professionnellement. Vous partagez la réflexion avec les chercheurs. Tout à fait. Oui. La professionnalisation de l'enseignement pour que effectivement ça tienne compte de débouchés au Donc, niveau. Donc pour dire que vous avez aussi vous êtes rendu compte qu'il y a des difficultés au niveau Les programmes sont toujours adaptés, révisés pour justement répondre à cette exigence. Le cas de grossesse des élèves, le cas des abandons qui occasionne la situation des enfants dans la rue, les enfants en dehors de l'école, tout ça, il y a des actions qui sont prévues, il y a des programmes prévus pour réintégrer ces enfants à l'école. Il y a des réglementations aussi que nous essayons de suivre. Il y a aussi des programmes de soutien aux enfants qui n'ont pas du matériel scolaire pour pouvoir retourner à l'école. Et ça, c'est fait pour que tout le monde ait accès à l'école et puisse y rester pour terminer le parcours scolaire. Aussi, le Burundi connaît souvent des périodes de catastrophes naturelles. Là, j'ai cité les inondations, par exemple, pour le cas de la partie Gatumba, le cas des orages, des tempêtes qui emportent les toitures des écoles. Et dans ces situations, le ministère prévoit toujours une sorte de plan B pour pouvoir continuer les enseignements en utilisant des tentes ou en réaffectant les élèves à d'autres écoles pour qu'ils puissent aussi rester à l'école. Mosaïque. Vous envisagez beaucoup de réformes, mais les moyens proviendront d'où? Oui, les moyens proviennent des subsides de l'État, bien sûr. Et à ce titre, je vous renvoie d'ailleurs à la loi budgétaire de l'exercice qui va commencer le 1er juillet. Mm-hmm. Et vous avez bien entendu qu'il y aura un fonds qui sera, disons... C'est un fonds qui va venir, mais aujourd'hui, du moins, est-ce que vous avez, les fonds sont disponibles? Oui, c'est le subside de l'État, mais aussi il y a des soutiens de la part des partenaires au développement, UNICEF et d'autres organisations, organismes internationaux, qui soutiennent le ministère, le gouvernement dans le secteur de l'éducation et qui nous aident à construire des écoles, à équiper ces écoles en bancs pupitres et dans d'autres besoins aussi, comme les besoins en eau et assainissement, où il y a soit adduction d'eau potable au niveau des écoles, soit alimentation en électricité, ou alors plaques solaires, ou alors la rétention des eaux de pluie dans des tanks pour pouvoir justement favoriser l'hygiène et l'assainissement au niveau de l'école. Donc voilà, c'est les sources de moyens qui permettent au ministère de pouvoir continuer à soutenir l'éducation et à favoriser toujours l'accès équitable à l'éducation pour tous les enfants. Merci, merci beaucoup. Alexis Wanuza, expert chercheur aussi. Vous avez entendu parler de défis de tout genre au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. C'est facile de faire face à ce genre de défis, bien que dit que les moyens peuvent venir d'un moment à l'autre. C'est possible en tant que chercheur et expert aussi. Oui. Mm-hmm. Pas facile, mais c'est faisable. Mm-hmm. Oui. Là, il suffit de s'y mettre et d'avoir une synergie. Mm-hmm. À commencer par les recherches, actions. Si on revient, par exemple, sur l'objet alloué à la promotion des droits de l'enfant, à la défense des droits de l'enfant, c'est un budget quand même qui peut changer les choses. Là, au niveau budget, on ne dirait pas, parce que même dans les pays développés, comme moi je suis chercheur, la recherche n'est jamais vraiment à 100% financée par le gouvernement. Mais ce qui est important, là, on voit qu'il y a des projets de recherche qui sont financés par l'Université du Burundi. Là, c'est déjà un pas. L'important, c'est d'avoir compris que c'est nécessaire de mettre des moyens. Mais pour le moment, je ne dirais pas que c'est suffisant, mais c'est déjà un pas. Et là, ça serait, lorsqu'on commence, le gouvernement commence, c'est lui le responsable en premier lieu. Mais il y a les autres partenaires au développement qui peuvent appuyer. L'important, c'est d'aller dans le même sens, de voir il y a les défis, que faire pour pouvoir y faire face. Et là, la recherche peut contribuer beaucoup. Mosaïque. Je rappelle que, à vous qui suivez l'émission Mosaïque, que nous parlons des droits de l'enfant aujourd'hui avec quatre invités. Il s'agit d'Alexis Wanuza, professeur d'université et chercheur. Nous avons aussi David Ninganza de la SOGEPAI, une association de défense des droits de l'enfant. Nous avons professeur Paul Hakizimana, directeur général de l'éducation, ministère de l'éducation nationale, et Gérard Rougeminoisa, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, en sigle. Et nous poursuivons avec l'émission Mosaïque. Et Gérard Ninoisa, qu'est-ce qui devrait être fait concrètement cette fois-ci pour que justement les droits de l'enfant permettent à l'enfant de vivre dans un bien-être? Oui, ce qui doit être fait, parce que nous approchons la journée de l'enfant africain. C'est le 16, c'est dans quelques jours. Et normalement, ce qui doit être fait, naturellement et humainement, ce qui doit être fait, c'est de mettre les moyens. La CNDH invite le gouvernement à apporter, à insérer, à voter un budget conséquent. Conséquent pour permettre à l'enfant burundais et à l'enfant qui est établi régulièrement sur le sol burundais. Voter un budget consistant, oui, conséquent. Oui, oui, mais c'est dans la jeunesse qu'on va recruter les policiers, les juges, les enseignants, les médecins. C'est le berceau. C'est le berceau du Burundi pendant les périodes de paix. Pas de troubles. Oui. Dans la période de troubles, on met en avant les budgets pour l'armée et la police. Mais si nous, on considère que la paix est retrouvée, qu'il y a sérénité, le calme, qu'il n'y a plus de troubles dans le pays, il faut penser à injecter des budgets dans les programmes sociaux, notamment le droit à l'enfant, le droit à la protection des droits de l'enfant, la santé, le logis, tout ça. Et après cela, bien entendu, étant juriste, je veux défendre toujours la réforme de la loi, le code. Pourquoi ? Parce que ça, la loi, oui, c'est urgent, c'est plus qu'urgent même. Parce qu'elle intègre certains concepts, certaines institutions traditionnelles, notamment le conseil de la famille. Si vous visitez le code des personnes de la famille, la définition telle que le conseil de la famille est composé, comment il est composé ? Est-ce que c'est respecté ? Ne faut-il pas qu'aujourd'hui, le législateur, le décideur burundais, puisse directement s'y mettre et redéfinir et donner assez de pouvoir ou bien le cadrer encore cette institution familiale qui est plus que nécessaire pour l'encadrement de l'enfance. Parce qu'il y a le conseil de la famille qui aide la famille. Il y a la famille quand elle est décomposée, quand il y a divorce, quand il y a des difficultés dans la vie. Parce qu'il faut regarder la vie en face. Il y a les difficultés, il y a le décès, il y a le divorce, il y a la mort qui nous guette. Alors, face à tous ces défis, nécessairement, il faut qu'une loi solide, mais qui est soutenue par des institutions de protection. Je vais donner ici, à côté du conseil de famille, le tribunal de résidence, qui doit collaborer avec la commune, le conseil communal. On vient de faire des élections. Il faut que le mandat de ces nouveaux élus soit compatible avec le droit de nos enfants, de nos filles, de nos garçons, qui sont le Burundais de demain. Non. Espérons que vos doléances seront entendues. Oui. Alors, à la colline, il y a beaucoup d'institutions qui méritent d'être renforcées. Il faut un budget. Il faut qu'ils travaillent. Il faut des institutions, prévues par la loi. Merci beaucoup, David Ninganza. Et vous aussi, qu'est-ce qui devrait être fait pour que justement un enfant burundais puisse s'épanouir, vivre dans la quiétude? Voilà. Oui, ça a été dit par CDH, mais pour moi, ce qui reste, c'est la place de l'enfant, c'est la maison, c'est l'école. Alors, comme la place de l'enfant, c'est l'école, il faut que le gouvernement adopte une loi sensible à l'obligation scolaire. Quand la loi, quand l'école sera obligatoire, il y aura moins de dérapages. Il n'y aura plus de travail des enfants parce qu'ils seront à l'école. Il n'y aura plus de la traite des enfants parce que ces enfants seront à l'école. Il n'y aura plus... Ah, ici, c'est dangereux quand je parle de travail aux enfants parce que même aujourd'hui, le manquement grave, le ministère du Travail n'a pas encore pensé au code du travail informel. Régissant le travail formel. Ça aussi, ça doit changer. La majorité des enfants sont employés dans l'informel. Ils sont employés dans un système où il n'y a pas de loi qui les réglemente. Donc, ça, c'est double inculpation. Donc, pour dire que nous allons plaider, nous allons continuer. Et d'ailleurs, on a commencé. Je sais avec le directeur général qui connaît. Et vous êtes quand vous plaidez, vous êtes compris, je ne sais pas. Hein? Oui. Ce que je suis en train de parler. Et d'ailleurs, au mois de décembre, il a été organisé un forum pour l'éducation des filles et femmes. Je sais bien que j'étais parmi ceux qui ont fait la présentation. Si l'éducation des filles, c'était le ministère de l'Éducation qui nous avait donné l'occasion de voir les partenaires pour dire que la collaboration est bonne. Quand la collaboration est là, les résultats sont faciles. Alors, quand il y aura une loi, d'une obligation scolaire, il y aura des textes d'accompagnement qui vont montrer qui fait quoi. Des textes d'accompagnement qui vont montrer le parent qui va déscolariser son enfant, le danger qui le guette. Il y aura aussi la communauté doit faire quoi pour accompagner les enfants. Le gouvernement doit faire quoi pour accompagner les enfants. Le gouvernement d'ailleurs a commencé parce que quand on voit la cantine scolaire, c'est pour aider les vulnérables. C'est pour qu'il n'y ait plus au moins les motifs que l'enfant manque l'accès à l'école. Vous saluez la décision parce que apparemment, les cantines scolaires se trouvent partout, presque dans les différentes provinces où il y a des difficultés pour les enfants de manger. Donc, vous saluez la... Nous sollicitons qu'il y ait l'élargissement parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas cette opportunité. Donc, comme ça, il y aura vraiment moyen de maintenir les enfants à l'école. Mosaïque. j'ai entendu le Guéminoise qui a parlé de l'abandon scolaire. C'est grave. J'en profite pour demander au ministère de l'Éducation de revoir la façon de communiquer à la communauté sur le temps d'avancement de l'éducation. Parce que quand on nous parle, voilà, telle province a été la première, telle la deuxième, ça nous désoriente. Pourquoi? Quand j'ai lu, j'essaie de regarder le temps, c'était dans un autre travail d'achèvement du cycle. Est-ce que le ministère nous communique le temps d'achèvement du cycle de l'enfant? Quand l'enfant a commencé en première année et qu'il n'a pas pu terminer la neuvième année, quand on nous communique ça, ça va nous aider. Parce que j'ai vu au concours national les trois dernières provinces. C'était Bururi, c'était Lumonge, c'était Bujumbura. Alors, quand j'ai vu que les provinces qui maintiennent les enfants à l'école, la première province, c'est Bururi. Ça vous renseigne. Deuxième, c'est Bujumbura Mairie. Troisième, c'est Lumonge. Donc, les derniers au concours sont les premiers qui maintiennent les enfants à l'école pour dire que l'étude est nécessaire. C'est pour dire que les recherches sont nécessaires pour voir si légèrement les administratifs à la base, si légèrement au ministère de l'Intérieur, au ministère, donc communiquent convenablement avec le partenaire incontournable qui est le ministère de l'Éducation. Merci David Ninganza au ministère de l'Éducation. Apparemment, vous êtes pointé du doigt parce que vous êtes ici en tant que quelqu'un du gouvernement. Qu'est-ce qui devait être fait justement pour que les droits de l'enfant aujourd'hui au Burundi puissent mettre l'enfant dans une bonne situation? Oui, d'abord, c'est la conjugaison des efforts de tout un chacun pour qu'il y ait synergie qui converge vers la protection et le développement des droits des enfants. Et le ministère aussi est dans cette voie. Et c'est pourquoi, par exemple, en ce qui concerne l'obligation scolaire, avant d'arriver à une loi qui parle de l'éducation obligatoire, on va d'abord aussi continuer à sensibiliser la population, les parents et tout le monde pour l'éducation pour tous. Et pour l'éducation obligatoire, là aussi, c'est un sujet en discussion, mais qui nécessite aussi beaucoup d'autres ingrédients et des mesures d'accompagnement. Et je sais que aussi cet aspect est en discussion et le moment venu, quand tous les ingrédients seront déjà rassemblés, sûrement qu'on va aussi mettre des dispositions à la dans ce sens. Alors maintenant, en ce qui concerne l'emploi des enfants, effectivement, le ministère aussi est sur la voie de proposer qu'il y ait des dispositions qui s'ajoutent aux réglementations en vigueur, mais qui interdisent formellement l'emploi des élèves, l'emploi des enfants en âge de scolarité, et et surtout l'emploi de ces enfants pendant la période scolaire. Si c'est pendant les vacances, ça va. Si c'est le week-end, ça va. Mais pendant la période scolaire, il ne faut pas qu'on trouve... Vous êtes rendu compte qu'il y a justement des enfants qui sont utilisés, qui sont employés ici, exploités ici et là. Oui, tout à fait. Au niveau des ménages, au niveau des champs, mais au niveau familial, et aussi au niveau des villes, petits commerces, etc. Il faut qu'il y ait des réglementations qui interdisent l'emploi de ces enfants en âge de scolarité, surtout pendant la période scolaire. Ils ont évoqué beaucoup de lois, le code des personnes de la famille et autres qui doivent être revisitées. Est-ce qu'il y a des lois, vous aussi, que vous avez déjà analysé qui mérite d'être retouché? Oui, nous avons déjà ciblé, par exemple, la loi sur l'enseignement fondamental et post-fondamental. Je crois que même le projet de révision est sur la table du secrétariat du gouvernement. Ça pourrait être programmé pour analyse à tout moment. Donc, toutes les lois qui parlent des enfants, qui parlent, disons, des droits des enfants, devraient être effectivement actualisé puisque ça doit rester dynamique, tenir compte des évolutions du monde et de la vie au Burundi. Alors, je voudrais aussi terminer en disant que le ministère va poursuivre les bonnes politiques déjà engagé, déjà commencé, a envie de permettre l'accès équitable et inclusif à tous les enfants en âge de scolarité, depuis l'âge préscolaire jusqu'à l'achèvement du parcours scolaire. Mais aussi au niveau de la qualité, on va continuer d'y insister, de réformer les programmes pour, disons, les rendre, disons, adéquats par rapport aux débouchés potentiels. Mais aussi, le ministère va continuer de soutenir toujours la vision du renforcement de la culture burundaise, puisque les connaissances à l'école doivent toujours, être acquises, mais dans un contexte culturel burundais, mais aussi dans un contexte de la mondialisation, bien sûr. Et ça, c'est un élément très important. Et Alexis Banouza, vous êtes expert, chercheur, et vous, qu'est-ce que vous proposez qui peut-être refait ou qui pourrait mettre l'enfant burundais dans une bonne situation? Tout ce qui devait être fait devait être vraiment orienté vers la qualité de l'éducation. Et pour arriver à la qualité de l'éducation, on fait allusion au triangle pédagogique. Il faut un bon curriculum cohérent de la maternelle à l'université. Le système tel qu'on reconnaît, on dirait qu'il est fractionné. Ouais. Ça, c'est très important, c'est très nécessaire. Et c'est plus qu'urgent. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des enseignants bien formés et bien motivés. Troisièmement, les conditions d'apprentissage, les conditions dans lesquelles travaillent les apprenants, nos enfants. Il est vrai, les cantines scolaires sont nécessaires, mais dans les familles aussi. Là, ils vont passer la nuit, c'est mieux que les parents, les petits frères, les petites frères. Il faut lutter contre la pauvreté dans les ménages. Ça, c'est aussi. Deuxièmement, il faut montrer aussi que ce qu'on apprend, ce qu'on enseigne est nécessaire dans la résolution des problèmes de la vie courante. Et là, la recherche y occupe une place importante. Il faut donner la place à la recherche qui aiderait à donner des orientations à l'autorité qui prend des décisions, mais aussi aux autres acteurs qui sont amenés à agir. Voilà, je pense que Gérard Rugeminoaza, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Parama, je crois qu'il a quelque chose à ajouter. C'est un élément, un petit élément à partager avec mes condisciples ici présents et à vous-même, pour que la radio Isanganiro puisse s'en approprier. On ne peut pas, dans le contexte actuel, parler de la protection des droits de l'enfant sans approcher, sans effleurer, faire des recherches sur l'exode rural. Les enfants sont mouvements d'enfants qui quittent la campagne pour aller dans les centres urbains, Bujumbura, Gitega, Rumonge. Je ne sais pas où il va, mais quand même, il quitte la maison pendant la nuit ou pendant la journée, avec un bus, il ne sait pas où il va, il n'a pas de contact, il ne connaît où il va. Mais ce mouvement-là généralisé dans le pays, il mérite une attention du gouvernement. C'est possible de l'arrêter, ce mouvement? Tout au moins de le gérer. Parce que nous avons les entités administratives qui ont des responsabilités qu'il faut éclairer à travers la loi que j'ai citée tantôt. Donc, c'est ce concept d'exode rural, et qui va gérer de migration. Le premier responsable, c'est l'État. On a toujours dit, c'est l'État. L'État, le décideur. Et vous allez continuer à plaider justement pour que l'État puisse prendre des mesures. Absolument, parce que c'est ça, c'est préoccupant. Merci. Voilà, c'est sur ces appels et contributions que se referme le débat, ce débat mosaïque préparé par Radio Isanganiro en collaboration avec la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNDH en sigle, et qui a vu la participation de 4 invités, Alexis Banouza, professeur d'université et chercheur. Merci d'être venu dans cette émission mosaïque. Merci aussi de nous avoir invités. Nous répondrons présents aussi pour la fois prochaine. David Ninganza de la SOGEPAYE Burundi, merci aussi d'être venu pour contribuer dans cette émission mosaïque. Merci beaucoup. Professeur Paul Hakizimana, directeur général de l'éducation au ministère de l'Éducation nationale, merci à vous aussi pour votre contribution. Merci pour l'invitation. Merci Gérard Rougueminoisa, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle. Merci à vous également d'être venu dans cette émission Mosaïque et de contribuer. Merci beaucoup, monsieur Kirombo. Je terminerai en invitant tous les enfants à considérer qu'ils sont des citoyens à part entière, que la journée du 16 juin, c'est leur journée. Profitez-en, mes enfants. Merci. Voilà, à la cabine du son, j'étais avec Albert Ndouayo. Médard Nyonguru était à la réalisation de cette émission Mosaïque et à l'animation. Vous étiez avec Léonidas Kirom qui dit merci aux auditeurs qui ont prêté oreille attentive de cette émission. Bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mosaïque.